Merci Mathieu Garrigou-Lagrange et à demain. Ce dernier numéro de la méthode scientifique depuis le 87e congrès de l'Association francophone pour le savoir, l'ACFAS, sur le campus de l'Université du Québec en Outaouais à Gatineau, nous allons nous intéresser à la chimie pharmaceutique. Si la recherche en pharmacologie mobilise des budgets pharaoniques, c'est parce que la découverte et la mise au point de nouvelles molécules est extrêmement longue, fastidieuse et assez peu fructueuse. Sur 10 ans de recherche en France, seuls 8% des molécules produites apportaient un bénéfice clinique ou thérapeutique. Alors comment se déroule aujourd'hui la recherche de nouveaux médicaments et quelles technologies de pointe sont sollicitées ? Chimie pharmaceutique vers des médicaments intelligents, c'est le programme curatif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique au 87e congrès de l'ACFAS. Et pour évoquer donc ces nouvelles méthodes de recherche qui conduisent à la mise sur le marché de molécules innovantes, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Janelle Sauvageau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agent de recherche dans l'équipe glycochimie au Centre de recherche en thérapeutique en santé humaine à Ottawa. Bonjour Umberto Bandarelli. Bonjour. Vous êtes agent de recherche au CNRC, le Conseil national de recherche du Canada, dans l'équipe d'électrophysiologie au Centre de recherche en thérapeutique en santé humaine, toujours à Ottawa donc. Et bonjour Simon Sauvé. Bonjour. Vous êtes chercheur scientifique principal du laboratoire des sciences de séparation et de biotechnologie analytique de Santé Canada au Centre d'évaluation des produits biologiques, division recherche, c'est encore une fois à Ottawa. Vous pouvez suivre comme tous les jours cette émission en direct sur les ondes de France Culture, en différé via notre site franceculture.fr ou en balado-diffusion comme on dit ici ou en podcast, c'est de préférence évidemment sur l'application dédiée de Radio France, mais comme toujours en complément, et nous allons poster comme tous les jours un certain nombre d'études ou de liens en complément de ce qui se dira autour de cette table sur notre fil Twitter @laméthodefc. Alors la recherche pharmaceutique, c'est beaucoup d'appelés et peu d'élus, je le rappelais à l'instant dans l'introduction de cette émission, un travail de fond, souvent à l'aveugle, pour identifier la bonne molécule dans la bonne configuration qui fasse à la fois preuve d'une efficacité accrue, mais aussi de son innocuité quant à d'éventuels effets indésirables. Est-ce que vous pourriez nous rappeler pour commencer le trajet depuis la recherche préliminaire de ce qui se passe au début dans un laboratoire jusqu'à la mise sur le marché? C'est souvent un trajet très très long qui veut commencer. Umberto Bandarelli? Oui, essentiellement, je peux parler selon mon expertise actuelle qui est sur le développement d'anticorps qui ne sont pas vraiment les molécules classiques dans la pharmaceutique. Et justement, le développement d'anticorps, on pourra peut-être en parler plus en détail plus tard. C'est un processus assez long qui passe par le choix d'une cible, la réalisation d'un antigène, la production des anticorps et enfin la phase la plus onéreuse dans les laboratoires du moins, que c'est le test fonctionnel. Donc déterminer si les anticorps que nous avons développés sont bel et bien fonctionnels et ils produisent l'effet désiré sur la cible que nous avons choisie. Par la suite, à partir de ces tests in vitro, on doit passer à des tests in vivo. Donc, si ces anticorps ou ces molécules, je pense que je peux généraliser à ce moment sur les molécules, ont le même effet désiré aussi sur des systèmes plus complexes. Donc, si on commence par notre molécule ou protéine ou cellule, on passe à un système. Donc, il peut être un organoïde ou bien, plus évolué encore, c'est vraiment in vivo, chez un animal qui manifeste les symptômes qu'on veut traiter. Et ça doit passer justement tous les tests de toxicité, etc., etc., efficacité. Et une fois toute cette partie préclinique établie, alors là, on rentre en phase clinique qui comporte, elle aussi, différentes étapes. La phase clinique, donc, avec des essais sur des êtres humains? Oui, exactement. C'est sur les êtres humains. Et là, ça comporte différentes étapes. Donc la première, c'est sur des individus sains. et comporte un nombre limité d'individus et comprendre surtout voir les effets de toxicité. Les effets indésirables, les effets secondaires. La deuxième phase, donc, c'est en revanche sur des individus qui sont malades, donc qui portent la maladie, la pathologie qu'on veut traiter. Et à ce moment-là, on commence à voir si, d'abord, la molécule a un effet et s'il y a des effets secondaires importants ou non. Si cette étape est franchie, alors on passe en phase 3. Et à ce moment-là, donc, on a effectivement une étude beaucoup plus étendue qui doit déterminer les dosages et donc essentiellement oui, les dosages qu'on peut utiliser dans le traitement de la pathologie. Et par la suite, sur beaucoup plus d'individus aussi, par ailleurs. Sur beaucoup plus d'individus. On est sur des centaines, parfois des milliers d'individus. Exactement, exactement. Et à partir de cette étape-là, après cette étape-là, il y a la mise en marché. Et les médicaments suivent encore des étapes d'évaluation lorsqu'il est dans le marché. Donc c'est effectivement un processus très, très long. Très long, en général, on dit entre 10 et 15 ans, entre le début de la recherche et la mise sur le marché. La moyenne, c'est une moyenne, donc c'est intéressant, hein, c'est 2,6 milliards de dollars d'investissement pour une molécule. Tous ces processus, c'est ce qu'on disait, hein, Jeannelle Sauvageau, il y a beaucoup d'appelés, il y a très très peu d'élus. Au final, il y a très peu de molécules qui réussissent à remplir tout ce que vient de décrire Umberto Banderali, c'est-à-dire l'innocuité, l'efficacité, puis l'efficacité soit supérieure à ce qui peut déjà exister sur le marché. Oui, donc aussi, ce qu'il faut penser, c'est que les risques et les bénéfices doivent être vraiment calculés de façon très exacte, puis savoir est-ce que ça vaut vraiment la peine, est-ce que on veut que ce médicament-là soit injecté ou donné à des personnes. Puis il faut vraiment que ça vaille la peine. Donc, il faut vraiment qu'on soit sûr à 100% que oui, ça l'aide. C'est pour ça que c'est très difficile d'obtenir beaucoup de cibles. Le chiffre que j'évoquais en introduction, Simon Sauvé, qui est un chiffre français, qui dit qu'en un peu plus d'une dizaine d'années, seuls 8% des candidats médicaments arrivent à faire la preuve de leur efficacité clinique et thérapeutique. Ça correspond à peu près à ce que vous avez ici, à une moyenne qui serait une moyenne internationale? Je dirais à première vue, oui, comme vous dites, c'est vraiment un effet d'entonnoir. Vous commencez avec beaucoup de cibles potentielles, mais une fois le processus terminé, il y en a, comme vous dites, très, très peu qui réussissent à se rendre. Donc, généralement, avec le début, on identifie une cible thérapeutique et ensuite, on décide déjà de développer des molécules cibles qui vont avoir un effet, comme Jeannelle le disait, qui serait fonctionnel, mais aussi qui aurait un rapport risque-bénéfice et effet favorable. Je dirais que ces chiffres-là font du sens. Ça vous semble aussi, pareil, Umberto Banderali, 8%, un étiage, en tout cas en dessous de 10% d'aboutissement de cette démarche. D'après ma connaissance, je dirais que oui. Alors en France, on a un système hein, qui est le système de validation post qui va contrôler hein, l'efficacité, l'innocuité, en tout cas enfin, la non-toxicité du médicament qui s'appelle l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Au Canada, l'organisme étatique qui s'occupe justement de vérifier cela? C'est Santé Canada, donc c'est l'équivalent du ministère de la Santé. Santé Canada, c'est l'équivalent aux États-Unis de la FDA. De la FDA, oui, de la Food and Drug Administration. Et en Europe, c'est excusez l'anglicisme, mais le EMA. D'accord. Pour, l'Agence européenne des médicaments. Du médicament, c'est ça. Par où on commence, en fait? La question que j'ai envie de vous poser, c'est quand on arrive, alors on cherche évidemment, on travaille sur un type de pathologie, mais quel est le point de départ pour trouver une nouvelle molécule, un nouvel anticorps, parce que les possibilités sont exponentielles. Jeannelle Sauvageau, par où on commence? On commence par la littérature. On effeuille la littérature, on essaie de trouver vraiment où il y aurait des endroits où commencer. Donc, quand un chercheur décide de commencer un projet, il a une spécialisation, puis il regarde dans ce domaine-là, OK, qu'est-ce que je pourrais faire? qu'est-ce qui est important à faire. Quelles molécules ont déjà été testées, j'imagine. Oui, et qu'est-ce, au Canada, qu'est-ce qui est nécessaire présentement? Par exemple, je sais que les recherches sur le cancer, parce qu'il y a beaucoup de cancers qui ne sont pas encore traités, les recherches sur les bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques, c'est vraiment des enjeux qu'on essaie de couvrir. Donc, on essaie de trouver à partir vraiment de la littérature où il y a des trous dans la littérature. Ouais. Umberto Banderali, le point de départ d'un chercheur. Alors, on reparlera évidemment à chacun de vos spécialités tout à l'heure. Vous y travaillez, on l'a entendu, en immunothérapie. Comment on cherche, quel type d'anticorps, quel est, encore une fois, tout ça est tellement foisonnant qu'on se demande en fait quel est le bout de fil qu'on va finir par dérouler. Oui, absolument. C'est d'abord une fois qu'on a fait la revue de littérature, effectivement, identifier une pathologie d'intérêt, le cancer, disons. Là, c'est la recherche de à quoi peut-on s'attaquer pour avoir un traitement efficace ou différent des traitements actuels. Donc, ceci est la stratégie que nous adoptons actuellement dans notre équipe. Et une fois que la cible a été choisie, alors là, il s'agit vraiment d'élaborer une stratégie pour arriver au développement du médicament qui peut être efficace et qui peut produire l'effet désiré. Comment on l'a choisi, cette stratégie, du coup? Ben, dans notre cas, par exemple, comme je l'ai dit, nous essayons de développer des anticorps qui vont cibler spécifiquement des protéines des cellules cancéreuses. Dans notre cas, comme on est une équipe d'électrophysiologie, ce sont les canaux ioniques, qui sont des protéines sur la surface des cellules. Et ensuite, on essaye d'identifier sur la protéine qui semble être d'un intérêt particulier pour le cancer, on va choisir une région particulière où adresser l'anticorps qu'on va développer, de façon à ce qu'on puisse s'attendre, donc prévoir l'effet peut être produit de façon la plus probable. Je vous interromps un peu parce que vous nous raconterez tout à l'heure un peu plus en détail exactement ce sur quoi vous travaillez. Mais vraiment, je vais reposer la même question à Simon Sauvé. Le point de départ dans un environnement qui est aussi ouvert que la recherche en pharmacologie ou en chimie pharmacologique, il y a la potentialité, le nombre de molécules possibles est vraiment absolument gigantesque. On est à 10 puissance 60 molécules envisageables, ne serait-ce que sur un type de pathologie. Encore une fois, par où on commence? Comme mes deux collègues ont dit, on commence par la littérature, on identifie, moi je dirais dans ce cas-là, un potentiel à exploiter. Vous faites un survol des nouvelles découvertes comme des nouvelles protéines qui sont actives ou des gènes qui sont impliqués dans une maladie ou qui sont, pour certains cas, déficients ou présents chez des patients. Puis une fois qu'on a ça, on se rabat sur nos connaissances, qu'est-ce qu'on a sur le système biologique dans lequel ces acteurs-là sont impliqués. Puis c'est à partir de là qu'on peut avoir une piste de solution de quel angle on pourrait utiliser pour l'attaquer. Comme par exemple, on parle de gens qui ont, à cause de leur génétique, ils sont latents à un certain type de protéines. Donc, c'est là qu'il y a des approches qui sont nouvellement documentées pour peut-être aller chercher une façon de pallier ce défaut-là. Donc, l'idée, c'est, avant de poser, comme quand j'établis un projet de recherche, c'est une question, quelle question, quel bénéfice biologique on veut adresser, puis avant de déterminer comment on va le faire, vous déterminer l'importance, puis aussi le rôle qu'on va y jouer. Donc, je dirais que c'est comme ça qu'on approche ce projet-là. Et quand on approche ce projet-là, on a au début beaucoup, beaucoup de candidats molécules. On en a des centaines. Comment est-ce qu'on réduit petit à petit justement cet entonnoir? Comment est-ce qu'on finit par les éliminer? Et là, je parle vraiment de la recherche préclinique, même avant les essais sur in vivo, vraiment juste en laboratoire. Janelle Sauvageau. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a une hypothèse de départ, puis on se dit, OK, par exemple, quelqu'un a trouvé quelque chose d'intéressant, puis on se dit, mais avec mon domaine de recherche, mais peut-être que ça pourrait faire ça, en fait. Donc, on a une hypothèse de départ et on se dit, bon, maintenant, je vais tester si ça, c'est possible. puis on fait ça avec ces molécules-là. Mais ça, c'est une différente approche de ce que les compagnies pharmaceutiques vont prendre, par exemple, parce que les compagnies pharmaceutiques, eux, ils ont des grosses bases de données. Ils vont essayer de réduire leur le nombre de cibles qu'elles vont avoir en faisant des screenings ou des... Des screenings, je ne sais pas très bien comment est-ce qu'on pourrait traduire ça, des screenings, en essayant plusieurs candidats au fur et à mesure. Oui, et dans notre cas, faut penser de façon intelligente parce qu'on n'a pas les mesures, on n'a pas assez de personnes dans nos labos pour faire des screenings. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on y va par hypothèse. Oui, Simon Sauvé? Si je peux rajouter ce que Janelle a dit, c'est... La voie n'est pas tout tracée. Hein? Où c'est qu'on va commencer, où c'est qu'on va terminer? On essaie avec notre expérience, toutes les connaissances qu'on a, de bien déterminer la marche à suivre. Mais comme vous dites, on part avec plusieurs possibilités. Vous réduisez ça à un nombre plus petit d'échantillons. Vous avez comme, après ce qu'on disait, screen ou balayage de données. Balayage, merci Simon. Vous obtenez certains bons candidats. Mm-hmm. Vous allez et après un certain temps, vous vous rendez compte que vous faites peut-être fausse route ou au contraire, vous déterminez qu'une portion a été négligée pour telle raison parce que on va en avant puis on revient en arrière. On croit que, par exemple, sur une molécule, tel groupement, c'est la raison pourquoi ça a un effet. On exploite, on regarde les différentes composantes qu'il pourrait avoir dans ce segment-là. C'est ce que les compagnies pharmaceutiques font. Ils vont dans une direction, ils se rendent compte, non, on n'a pas pris la bonne voie. On revient en arrière, on refait nos devoirs. Déjà, c'est un segment qu'on a exploré. Voilà. On sait qu'on peut le mettre de côté. Comme vous dites, tranquillement, encore une fois, l'effort entonnoir, les possibilités se diminuent, puis c'est ce qui trace la voie à suivre. Vous avez une idée, les uns les autres, de la proportion de molécules ou de candidats médicaments qui franchissent l'étape des premiers essais précliniques? C'est-à-dire qu'on a combien de composés pour combien qui arrivent en essais précliniques? C'est difficile, comme ça, au doigt mouillé, ou en tout cas à peu près une proportion, Janelle Sauvageau? Il y a des énormes bases de données. C'est vraiment énorme. Des millions de composés, puis on finit par avoir seulement, je dirais même des centaines, ou peut-être des milliers. Qui passent en essai préclinique, vous voulez dire? Oui, et cette année, au Canada, de ce que j'ai vu, il y a environ 33 molécules qui ont été approuvées. En 2018-2019. Umberto Banderali. Oui, je suis totalement d'accord avec Janelle, en fait. C'est, la proportion est vraiment minimale par rapport à la quantité de possibilités qu'on a dans les bases de données. Vous le disiez, hein, sur les recherches qui sont porteuses en ce moment, il y a évidemment la recherche en oncologie, vous me parliez aussi de la recherche peut-être sur les maladies chroniques qui sont des secteurs relativement porteurs, et puis il y a des domaines où tout le monde se casse les dents, comme les maladies neurodégénératives, malgré des investissements. Il y a vraiment des endroits qui sont des impasses pour le moment dans la recherche en chimie pharmaceutique, Janelle Sauvageau. Oui, mais c'est ça. Dans ce domaine-là, un des gros problèmes, c'est d'être capable de traverser la barrière hémato-encéphalique. Qui est la barrière de protection du cerveau, qui est une barrière qui laisse passer effectivement très, très, très peu de molécules. Umberto Banderali. Oui, exactement. Et au sein de notre centre de recherche, il y a effectivement une équipe, un groupe qui travaille sur le développement de ces molécules. Capable de traverser, en fait, ce sont comme des navettes, en fait, qui vont aider, faciliter le transport d'éventuels médicaments à travers cette barrière. Mais c'est vrai que donc les maladies neurodégénératives sont un très gros défi. Je dirais qu'il y a quand même, depuis ce que je peux voir de l'intérieur, qu'il y a des avancées que pour le moment restent encore dans le domaine préliminaire. Je ne peux pas me prononcer pour ne pas faire de tort à mes Bien collègues sûr. Qui travaillent là-dessus. Et aussi, je ne sais pas, il y a forcément aussi des questions de protection intellectuelle. Brevet, évidemment. Oui, mais on en a parlé, je voudrais renvoyer les auditeurs, parce qu'on suit beaucoup ça, évidemment, l'évolution de la recherche sur les maladies neurodégénératives. On va mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission, notamment des pistes récentes sur une porte d'entrée via une bactérie dans les gencives, une bactérie bucco-dentaire qui pourrait remonter, c'est une piste de recherche. Donc pour ce moment, on est on est encore évidemment très très prudent parce que c'est au stade de la recherche préliminaire. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs aujourd'hui qui sont des secteurs vraiment porteurs, qui produisent en tout cas plus de médicaments, qui amènent plus de candidats médicaments jusqu'au bout de la recherche? C'est surtout l'oncologie, Umberto Banderali. Et l'oncologie, sans doute, est très important. Cependant, je pense que avec les maladies neurodégénératives, il y a aussi d'autres maladies de type neurologique. Je pense qu'il y a de gros travaux qui se font aussi au niveau de l'épilepsie. Et oui, donc je pense que les maladies du système nerveux sont quand même en forte progression en termes de recherche. Simon Sauvé, sur les différents secteurs de recherche aujourd'hui en chimie pharmaceutique, quels sont les plus porteurs selon vous? Malheureusement, ma collègue n'est pas là pour en discuter, mais définitivement, les cellules souches, les thérapies géniques sont également très, très, très prometteuses. Malheureusement, j'ai pas beaucoup d'expertise dans ce domaine-là. Non, mais évidemment, j'ai essayé la voix qui devait être parmi nous qui n'a pas pu, malheureusement, mais on en a reparlé, et puis on aura l'occasion de reparler, évidemment, de la recherche sur les cellules souches, qui est une recherche passionnante, mais qui, là aussi, pose un certain nombre de problèmes, mais qu'on a déjà abordé et qu'on réabordera dans d'autres émissions. La méthode scientifique, Nicolas Martin. La méthode scientifique, toujours ici à LUCO, sur le campus de l'Université du Québec en Outaouais, à Gatineau, pour le 87e congrès de l'ACFAS. Nous parlons tout au long de cette heure de la recherche en chimie pharmaceutique vers de nouveaux médicaments, de nouveaux types de médicaments ou de nouveaux types de recherche. Qu'est-ce que la technologie aujourd'hui permet à cette industrie de la recherche en chimie pharmaceutique et comment elle l'a fait avancer? Nous en parlons avec Jeannelle Sauvageau qui travaille sur les immunomodulateurs. Elle nous en parlera tout à l'heure. Umberto Banderali qui travaille sur les canaux ioniques en oncologie et Simon Sauvé qui travaille sur l'amélioration des vaccins antigrippaux. Tout ça, on aura l'occasion de discuter de vos champs de recherche particuliers dans quelques minutes. Mais pour commencer, nous allons bien nous intéresser aux nouvelles pistes de recherche et aux nouvelles technologies, surtout qui sont mobilisées par l'industrie de la chimie pharmaceutique, dans les pas du colloque qui s'est tenu ici à LUCO sur l'avenir de ce secteur. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez profité de notre passage éclair à Montréal pour aller visiter les locaux d'une start-up qui développe une intelligence artificielle qui aide à trier les bonnes molécules des molécules inutiles. Oui, et c'est Sébastien Giguère qui m'a accueilli dans les locaux d'InVivo AI, une jeune entreprise dont il est le cofondateur et qui met son expertise en matière de deep learning et d'intelligence artificielle au service de ceux qui veulent mettre au point de nouvelles molécules pharmaceutiques. Comme nous l'explique Sébastien Giguère, l'enjeu est ici d'accélérer les phases dites précliniques de mise au point des médicaments et de mieux prédire les effets de certaines molécules. Donc, l'objectif principal de la compagnie, c'est d'accélérer le développement de médicaments pendant la phase préclinique. Le type d'outils qu'on développe chez InVivo AI est spécifiquement des algorithmes qu'on appelle d'intelligence artificielle ou d'apprentissage machine, dont l'objectif est de prédire différentes propriétés des molécules. Puis, on utilise ces algorithmes-là pour partiellement remplacer certaines des expérimentations qu'on fait typiquement en laboratoire. Typiquement, ce qu'on fait, c'est lorsqu'on est à la recherche d'un nouveau médicament, les premières étapes de développement sont basées sur un modèle biologique qui, on espère, est représentatif de la maladie qu'on essaie de résoudre. Par exemple, c'est des essais qui sont faits dans des cellules qu'on peut croître dans des éprouvettes ou dans des pétris. Donc, souvent, on cherche dans les premières étapes du développement, c'est de trouver des molécules qui vont optimiser cette manière qu'on a de quantifier l'efficacité des molécules. Donc ça, c'est une des choses auxquelles on s'intéresse. On s'intéresse aussi à prédire la toxicité des molécules parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de médicaments qui vont échouer en phase clinique pour des raisons de toxicité. Ce que nous, on cherche à faire, c'est en développant des modèles computationnels qui sont prédictifs de la toxicité des molécules, on essaie d'éviter de vérifier la toxicité des molécules trop tard dans le processus. Donc, on rapproche beaucoup plus en début du processus de développement la possibilité d'avoir de l'information sur la toxicité de ces molécules-là. Alors, vous, votre travail dans tout ce processus-là, en quoi il consiste spécifiquement? Et voilà, quand vous travaillez, qu'est-ce que vous faites? Moi, mon rôle dans cette grande équipe-là, c'est de m'assurer que les algorithmes qu'on développe et les technologies qu'on développe, qui sont développées par les chercheurs de la compagnie, adressent des besoins qui sont réellement importants chez nos partenaires. Donc, nos partenaires développent des médicaments. On veut s'assurer que les technologies qui sont développées vont réellement permettre d'accélérer ce développement-là. Mon rôle est aussi de faire le lien entre ces technologies-là et les partenaires. Donc, souvent, on va travailler en collaboration avec eux. Et mon rôle, c'est m'assurer que les résultats sont présentés correctement, puis que l'équipe de recherche est correctement alignée sur ces efforts cliniques et précliniques-là. Par exemple, actuellement, on a différents projets qui touchent l'oncologie et les maladies neurodégénératives. Puis, finalement, on collabore avec ces gens-là pour le développement de nouvelles thérapies. Dans ce dont vous me parlez, il y a quelque chose de très intéressant, je trouve, c'est la confrontation entre la biologie, le vivant, et l'intelligence artificielle, le deep learning, ce genre d'outils finalement qui sont très prometteurs, mais à quel endroit finalement les deux se croisent? Donc typiquement, ce qu'on fait, c'est finalement notre partenaire ou nos partenaires vont avoir testé un ensemble de molécules qui croient être pertinent pour le problème qu'ils cherchent à résoudre. Un très très faible nombre de molécules vont en réalité avoir un effet positif sur la pathologie. Nous, c'est là qu'on rentre en ligne de compte. Donc, on prend l'ensemble de molécules qui étaient testées, typiquement 1000, 5000 molécules, ça dépend vraiment des programmes. Et puis, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ces molécules-là comme exemple d'apprentissage. Puis, on donne ces exemples-là à un algorithme d'apprentissage qui, lui, apprend un modèle qui cherche à prédire le même type d'information qui a été mesurée préalablement en laboratoire. Puis ensuite, on utilise ce modèle-là pour nous guider vers différentes molécules qui auraient le même type de propriété que celles qui ont fonctionné et idéalement des molécules qui sont meilleures que celles avec lesquelles qu'on a déjà utilisées pour faire l'apprentissage du modèle. Après, peut-être qu'on peut parler éventuellement du logiciel que vous utilisez, comment il s'est développé, par qui il a été développé, est-ce que c'est un logiciel maison ou est-ce que c'est quelque chose qui a été créé ailleurs? Bon, évidemment, ce que nous, on développe, c'est toutes des technologies qui sont propriétaires à la compagnie. Donc, notre équipe est largement composée de personnes qui ont un doctorat soit en bioinformatique, en informatique ou en biologie, par exemple. Et puis, ce que nous, on développe se décline dans trois grands objectifs. Le premier objectif, c'est de développer des méthodes d'apprentissage qui sont capables d'apprendre avec un faible nombre d'exemples. Puis ça, c'est important parce que les applications qu'on a vues jusqu'à maintenant de l'intelligence artificielle, par exemple, si on regarde l'identification d'objets dans les images, c'est des choses qu'on a réussi à faire, mais grâce à des millions d'exemples d'apprentissage. Et puis ça, c'est pas quelque chose qu'on a le luxe d'avoir en recherche de médicaments. À chaque fois qu'on teste une molécule, c'est très, très coûteux. Donc, on n'a pas le même ordre de grandeur d'exemples d'ensemble d'apprentissage avec lesquels on peut travailler. Donc, ce que nous, on développe chez InVivo, c'est des méthodes qui nécessitent moins d'exemples d'apprentissage pour arriver à des modèles qui sont tout aussi précis. Pour y arriver, ce qu'on développe finalement, c'est des algorithmes d'apprentissage qu'on appelle de few shot. Donc, c'est très technique, mais l'idée, c'est comment apprendre à apprendre rapidement. Donc, c'est comme ça qu'on y arrive, puis on dérive un peu de la méthode classique que les gens ont utilisée pour faire ce type d'apprentissage-là, qui était encore aujourd'hui, les gens, pour faire de l'apprentissage à partir de molécules, utilisaient des caractéristiques préétablies des molécules. Donc, on calcule un certain nombre de caractéristiques, puis on essaie d'apprendre un modèle statistique sur ces caractéristiques-là. Ce qui nous différencie de ces méthodes-là, c'est notre capacité à apprendre à partir des données, les caractéristiques sont pertinentes. Donc ça, c'est vraiment ce que le deep learning apporte dans la découverte de médicaments. Ici, c'est notre capacité à vraiment partir d'un tableau blanc, puis d'apprendre les caractéristiques des molécules qui seront pertinentes pour chacun des programmes qu'on cherche à résoudre. Donc, quand je dis programme, ici, on parle de programme pharmaceutique et non de programme informatique. Voilà, l'intelligence artificielle à la rescousse de la recherche en chimie pharmaceutique. Une réaction peut-être les uns les autres. Je vous voyais très concentré sur ce reportage et assez intéressé manifestement, Umberto Banderali. Oui, absolument. C'est totalement fascinant et je dois dire que j'ai appris beaucoup sur l'intelligence artificielle lors de cette dernier congrès. Et non, je pense que c'est effectivement, ça apporte des avantages énormes en termes de choix, comme on disait tout à l'heure, le point de départ, vraiment, ça va guider le choix de la molécule, je ne dis pas idéale, mais qui s'approche le plus possible de l'idéal. Et un deuxième aspect, je pense aussi que l'intelligence artificielle peut survenir, c'est l'amélioration. Donc, une fois qu'on a éventuellement développé une certaine molécule et on voit qu'elle a une certaine efficacité, est-ce que l'intelligence artificielle est capable aussi, je suis convaincu que oui, d'en améliorer la performance et afin d'augmenter la spécificité, diminuer la toxicité, je pense que oui. Améliorer la performance, par exemple, notamment sur des programmes ou des algorithmes de configuration spatiale? Oui, absolument, oui. Et aussi, probablement sur la composition elle-même de la molécule. J'ai un exemple en tête que ça dérive de, ne pas de l'intelligence artificielle, mais de la chimie classique. Une molécule capable d'inhiber une certaine protéine et simplement en échangeant la position en azote, Janelle pourra sans doute en dire beaucoup plus, l'efficacité de cette molécule pour se lier et produire un effet augmenté d'un facteur 10. Donc c'est quand même considérable. Janelle Sauvageau, votre réaction à ce reportage et plus généralement à l'assistance que peut apporter justement ces machines, ces programmes de deep learning pour la découverte et le test, l'efficacité de ces nouvelles molécules? Oui, sérieusement, ces technologies-là, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis j'espère que ça va venir bientôt dans nos laboratoires pour nous aider, en fait, parce que ça peut être des outils incroyables à utiliser. Et j'espère vraiment qu'on va pouvoir y avoir accès bientôt. Donc, c'est ça. Moi, j'aimerais bien que nos laboratoires puissent collaborer avec ces startups. Avec ces startups. Mmh. Et c'est une des raisons pourquoi, en fait, je voulais organiser un colloque comme ça pour mettre en contact plusieurs personnes, des chimistes, des gens de l'intelligence artificielle et tout ça pour qu'on puisse tous ensemble collaborer à un certain point pour améliorer nos recherches. Parce qu'aujourd'hui, alors je vais poser peut-être la question qui fâche, mais aujourd'hui il y a vraiment un pas quantitatif et qualitatif entre les moyens dont disposent les laboratoires pharmaceutiques privés et la recherche publique dans laquelle vous êtes et de laquelle vous faites partie tous les trois? Oui, il y a beaucoup, dans le domaine pharmaceutique, il y a beaucoup de données qui est disponible aux compagnies pharmaceutiques, mais elles ne seront pas disponibles à nous. Il va y avoir des données publiques qui nous sont disponibles, mais c'est ça, c'est de savoir comment les utiliser. Puis il y a des énormes bases de données de littérature aussi que je crois que l'intelligence artificielle dans ce domaine-là pourrait vraiment aider à effeuiller. Ouais. Oui, compiler et avec beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus de rapidité surtout, j'imagine. Simon Sauvé, votre réaction à cette aide, à cet ajout de l'intelligence artificielle dans la recherche en chimie pharmaceutique? Je dirais que c'est très prometteur, c'est très intéressant. C'est comme une boîte à outils, on n'a jamais assez d'outils. Si ces instruments-là peuvent nous amener des perspectives différentes ou nous permettre de s'attaquer à un problème avec un angle d'approche différent, je trouve que ces outils-là sont très extraordinaires. Si ça peut nous aider à faire notre travail, d'avoir une recherche efficace, où ce qu'on regarde les données et on traite les sujets de façon systématique et objective, je pense que c'est très utile. Oui, j'ajouterais aussi que ça peut proposer quelque chose qu'on n'avait pas prévu éventuellement, donc des choses auxquelles on n'a pas pensé par notre bagage, et donc l'intelligence artificielle peut-être peut sortir avec une solution plus originale que nous échapper. Et ce sont des outils auxquels vous n'avez absolument pas accès du tout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est vraiment réservé, ce sont des services qui sont vendus à l'industrie pharmaceutique privée et auxquels l'industrie, la recherche académique en chimie pharmaceutique n'a vraiment pas du tout accès? Actuellement, non, mais je pense qu'il y a un avenir pour nous aussi. Je veux dire, nous, on est ouverts à toute collaboration. Et du moment où on peut trouver l'intérêt aussi dans la contrepartie, absolument, je pense que ça pourra, au contraire, je pense que tout le monde pourra bénéficier parce que d'un côté, nous pouvons élargir ces bases de données, fournir de nouvelles données pour cette technologie et on peut bénéficier de leur technologie pour l'avancement de nos recherches. Jeanne Sauvageau? Oui, je pense comme Umberto que vraiment de collaborer ensemble avec ces compagnies-là, avec le MILA aussi, que ça va nous apporter beaucoup en tant que recherche. Mais je ne pense pas que ça va être seulement disponible aux compagnies pharmaceutiques. Je pense que c'est vraiment de trouver les bons collaborateurs, en fait. Quels sont les liens que vous entretenez, vous, dans vos recherches au quotidien? Quels sont les liens avec, justement, l'industrie pharmaceutique? Est-ce qu'ils sont intéressés? Ce sont des recherches, je pense, notamment récemment, à ce candidat virus pour Ebola qui a été développé par le Laboratoire national de microbiologie à Winnipeg et dont les droits ont ensuite été transmis à une industrie pharmaceutique pour passer, justement, à la production au niveau industriel. Ça veut dire que vous êtes très sollicité par l'industrie privée? Quels sont les liens? Est-ce que ce sont des liens de collaboration, de compétition, j'imagine aussi, Simon Sauvé? Bien entendu, si on parle pour Santé Canada, on est l'autorité fédérale qui approuve puis qui permet la mise en marché de ces produits. Donc, c'est certain qu'on suit la littérature puis ces produits-là de très près. Et les compagnies pharmaceutiques comprennent très bien le rôle qu'on a à jouer. Puis, j'aimerais dire que c'est une relation très saine où l'objectif est que la population canadienne ait accès à des produits de bonne qualité de façon sauve. Umberto Banderali, oui, sur ces liens. Je dirais que sans doute l'industrie pharmaceutique est très présente. Et d'ailleurs, un des mandats du Conseil général, du Conseil national de la recherche, est justement de favoriser le développement d'entreprises canadiennes. Et donc, les collaborations avec des start-up, avec des petites et moyennes entreprises dans le domaine pharmaceutique sont absolument les bienvenues. Et nous souhaitons effectivement pouvoir collaborer et offrir nos services en échange de... bien de moyens, justement, de techniques comme l'intelligence artificielle, d'avoir une sorte de dialogue dans ce sens-là. Janelle Sauvageau. C'est ça, les compagnies pharmaceutiques, on veut vraiment collaborer avec eux, comme je suis au CNRC avec Umberto, c'est la même chose. On veut juste collaborer avec eux, pas vraiment, on veut pas compétitionner, on veut juste que l'industrie canadienne se développe dans ce domaine-là. I won't take my medicine, I won't settle my debts, no. Sell your house, sell your kids. Don't settle for less, no. Médecine sur France Culture dans la méthode scientifique par Alex Winson, puisque nous parlons de médicaments et plus précisément de recherche en chimie pharmaceutique. Nous en parlons avec nos trois intervenants du jour ici depuis le 87e congrès de l'ACFAS à Gatineau au Québec sur le campus de l'UQO. Nous en parlons avec Janelle Sauvageau qui est agent de recherche dans l'équipe glycochimie au centre de recherche en thérapeutique en santé humaine. Également du même centre, Hugo Banderali qui est agent de recherche au CNRC, le Conseil national de recherche du Canada, dans l'équipe d'électrophysiologie de ce même centre de recherche en thérapeutique en santé humaine, et avec Simon Sauvé, qui est chercheur scientifique principal du laboratoire des sciences de séparation et de biotechnologie analytique de Santé Canada au Centre d'évaluation des produits biologiques et division recherche. Nous allons donc maintenant nous intéresser dans cette dernière partie à vos domaines de recherche spécifiques, en commençant par vous, Janelle Sauvageau, synthèse chimique et analyse d'immunomodulateurs. Racontez-nous un peu sur quoi vous travaillez, quel type de médicaments vous développez en fait. Moi, j'ai une belle histoire à raconter ici. J'ai combien de temps, là? Ah bon? Allez-y, on vous écoute. OK. Ouais, c'est ça, c'est que si quelqu'un a le VIH et contracte la gonorrhée, ses taux de VIH dans leur sang vont augmenter de façon significative, vraiment. Et nous, la question qu'on se posait, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans la gonorrhée qui cause une augmentation significative du VIH? Et fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé dans la gonorrhée, dans le supernatant, qu'est-ce qui était actif. Puis ce qu'on a trouvé, c'est qu'un composant particulier qui s'appelle les heptoses biphosphates, qui sont en fait un immunomodulateur, c'est donc qui module le système immunitaire. La réponse immunitaire en cas de, voilà, en cas d'attaque ou d'infection, ouais. Etc. Oui. Et on a trouvé que ce composé-là était actif. Donc ici, vous voyez, c'est un peu par hypothèse qu'on s'est dit, OK, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-ci et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce composé-là? Et ce composé-là, en fait, ce qui se passe, c'est que si ça augmente la réponse du VIH, si ça augmente l'activation du VIH, ben peut-être qu'on pourrait l'utiliser en fait comme cure contre le VIH à un certain point, parce que dans le fond, il y a toujours à peu près 5% de cellules en latence, mm-hmm. de cellules immunitaires en latence qui dorment en fait avec le VIH à l'intérieur de ces cellules-là. Ce sont les cellules, ce qu'on appelle les cellules réserves, hein, avec le VIH, qui ont été infectées par le VIH, mais qui ne se développent pas pour une certaine raison. Oui. Et c'est pour ça que le VIH ressort quand on arrête les traitements, parce qu'il y a ces cellules de réserve dans lesquelles le VIH est dans une sorte de sommeil, en quelque sorte. Oui, c'est exactement ça. Et nous, on pense qu'on peut réveiller ces cellules-là, puis ensuite détruire tout le VIH avec les antiviraux qui sont connus, en fait, qu'on utilise déjà. Et donc, ça pourrait marcher, mais ça pourrait prendre aussi des années avant que ça se développe pour être en essai clinique. Là. Pourquoi ça prendrait des années? Il faut trouver les bons modèles, aller en essai préclinique sur des animaux, sur des cellules, essayer différents types d'animaux. Et ça, c'est tous les essais précliniques et intéresser des compagnies pharmaceutiques pour aller en essai clinique par la suite. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et jusqu'à maintenant, je travaille sur ce projet depuis environ 4 ans. Donc, vous êtes en laboratoire toujours, hein? Oui. Vous n'êtes pas passé en essai préclinique encore? On fait des essais précliniques un peu, mais pas autant... Pas encore assez, là. Ouais. C'est vraiment un des domaines, hein, on en a aussi beaucoup parlé dans l'émission, de recherche vraiment de pointe pour lutter contre ces cellules réserves du VIH qui font que bien il y a un retour de la maladie même quand on arrête le traitement au bout d'un certain temps. On sait qu'il y a certains patients qui peuvent arrêter le traitement et chez qui le VIH ne revient pas. Quelles sont ces cellules réserves? On pense qu'il y en a plusieurs, on pense qu'il y en a la moelle épinière, il y en a dans le système immunitaire, enfin tout ça c'est vraiment un des domaines émergents, hein, de la recherche de la lutte contre le VIH. Oui, il y a quelques médicaments qui sont sortis, qui sont allés en essai préclinique par la suite. Et en fait, un des problèmes est la toxicité de ces médicaments-là. Donc, les heptoses phosphates, c'est des carbohydrates et sont connus pour être moins toxiques. Donc, moins toxiques que les médicaments qui sont déjà là en cours d'essai clinique. Oui. Mmh. Ouais. Et alors concrètement, comment ça se passe aujourd'hui justement votre recherche, avec quelles sont les équipes que vous mobilisez, justement quel est le dialogue que vous pouvez faire avec l'industrie pharmaceutique, dont on sait que bien évidemment, hein, le remède universel contre le VIH, la société qui va le trouver a gagné le pot aux roses, on peut dire en quelque sorte. Oui, ben ça, on travaille, on collabore avec l'Université de Toronto en fait. Donc, c'est sûr, on ne peut pas faire ça tout seul. Ce n'est pas moi tout seul dans mon laboratoire qui fait ça. Bien sûr. Mais c'est ça, il y a à l'Université de Toronto, le groupe de Scott Gray-Owen. Puis, c'est ça, il y a quelques compagnies pharmaceutiques qui ont montré de l'intérêt. Donc, on continue à pousser ça, on continue à essayer de trouver des compagnies qui sont intéressées et de leur prouver vraiment que oui, ça pourrait être utilisé comme médicament. On va suivre ça, nous, de très, très près. Hein. On va rester en contact parce que c'est des recherches qui sont absolument passionnantes. Umberto Banderali, vous travaillez en oncologie, vous, sur des protéines particulières qui jouent un rôle dans l'agressivité des cellules cancéreuses. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu où en sont vos recherches, comment elles sont nées et comment vous continuez à les mener aujourd'hui? Oui, exactement. Alors, la recherche sur les canaux ioniques... D'abord, les canaux ioniques sont les responsables du comportement électrique des cellules. Donc, tout ce qui est système nerveux, contraction des muscles, etc., etc., dépend de l'activité des canaux ioniques. Et depuis, je dirais, une vingtaine d'années, on s'est bien aperçu que ces canaux ioniques jouent un rôle très important aussi dans le caractère agressif des cellules cancéreuses. Soit peuvent favoriser la prolifération de ces cellules, ou bien ils interviennent dans leur potentiel métastatique, donc l'invasion, aussi la mobilité. Donc, la recherche a commencé à développer, à utiliser, en fait, les inhibiteurs de ces canaux qui sont connus, donc parce qu'ils font partie de recherche depuis des années, et en essayant de les appliquer en oncologie. Le gros problème est que ces molécules ne sont pas totalement spécifiques, c'est-à-dire, une fois qu'ils frappent un certain canal, sur une certaine cellule, disons cancéreuse, il y a un fort risque que des canaux, des protéines apparentées puissent aussi être affectées. Sur des cellules saines. Sur des cellules saines, mm-hmm. Absolument. Donc, notre stratégie actuellement est d'essayer de cibler plus directement les canaux sur les cellules cancéreuses. Et comme je le disais, pour ce faire, donc, on va choisir d'abord... la cible, donc, et là, on recouvre justement à la littérature et tout ce qui est documenté sur l'expression d'un certain canal dans un type ou plusieurs types de cancers. Et par la suite, on choisit un épitope. Donc, à l'intérieur de la protéine, on choisit une région particulière où l'anticorps devra se lier. Donc, nous, on essaie de développer des anticorps. Donc, en immunothérapie, hein? Presque. Oui, presque. Alors... Ça peut être utilisé aussi en immunothérapie, en fait. Par la suite, donc, une fois que cette région qui doit être unique, donc on cherche vraiment une région unique à ce canal ionique. Et une fois que la région a été identifiée, là, on passe à l'immunisation de souris ou bien d'autres animaux pour obtenir une librairie d'anticorps. Et par la suite, là commence le travail de sélection. Donc, une fois qu'on a cette librairie, alors on passe au test fonctionnel. Tout d'abord, en électrophysiologie, c'est voir si avec ces molécules, on obtient l'effet qu'on espérait, qu'on désirait. Et par la suite, on passe à des systèmes plus complexes. Donc, à partir de la cellule sur une boîte de pétri ou dans notre chambre de perfusion, donc à des organoïdes pour voir si la molécule peut avoir accès éventuellement à l'intérieur d'un tissu solide. Des organoïdes, ce sont des petits organes qui sont reconstitués en laboratoire, des cellules en général d'un seul type de cellules sur lesquelles on peut intervenir. Exactement, ce sont en général des différents types cellulaires réunis ensemble qui tentent à modéliser, donc à représenter des modèles dans certains organes, oui. Et par la suite aussi sur des animaux. Donc une fois que tous ces tests, ces vérifications ont été passées, là on passe vraiment sur un animal. Est-ce qu'on est capable de réduire la taille d'une tumeur, de réduire la progression de la tumeur, etc., etc. Alors donc vous êtes déjà sur des essais précliniques en ce moment ? Non, pas encore. On a commencé, donc pour le moment, on est encore au niveau de laboratoire. D'accord. Pour l'instant, on a fait une étude préliminaire de biodistribution. Donc, on va voir, une fois que cet anticorps est injecté dans un animal, où est-ce qu'il va se lier, donc dans quels organes. Et on a eu, pour l'instant, les résultats qu'on souhaitait. Mais on ne l'a pas encore essayé sur des tumeurs, mais c'est un programme, donc c'est dans le programme. Mais alors, je vais vous poser une question peut-être très, très, très basique ou de béotien, mais les tumeurs sont très distinctes, sont très différentes en fonction des organes, même sur les organes en fonction du type de tumeur. Vos recherches portent plus précisément sur quel type de tumeur, ou est-ce qu'au contraire, ça pourrait être des recherches vraiment à large spectre ? Peuvent être des recherches à large spectre, parce que par exemple, la protéine sur laquelle nous travaillons actuellement, tout d'abord, dans les tissus sains, est une protéine qui se situe dans le dans le système nerveux périphérique, donc elle participe à la perception de la douleur. Donc c'est quelque chose d'éventuellement... Très générique, ouais, très voilà. Générique, c'est ça. Et éventuellement, si on produit des effets secondaires au niveau de la réduction de la douleur, ce n'est pas trop indésirable. C'est plutôt mieux, oui, c'est ça. Exactement. Et en revanche, et c'est aussi exprimé sur des types de cancers, donc cancer d'ovaire, glioblastome, et ce qu'on a retrouvé, découvert tout récemment aussi dans le cancer du pancréas. Qui oui, qui juste sont des cancers, présent. En plus, ce sont des cancers très très résistants et avec des taux de survie très bas. Exactement. Mm. Donc, en effet, ça peut s'appliquer à plusieurs types de tumeurs, aussi la leucémie, entre autres, donc tumeurs solides et tumeurs liquides, exactement. Donc, c'est vraiment un ample spectre. Donc, oui, donc, très, très prometteur. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui au stade du développement de laboratoire ? Oui, la difficulté sont les problèmes de stabilité. En fin de compte, les anticorps sont des individus très instables. Et si, une fois, dans un expériment, on trouve un super bel effet, il est fort possible qu'avec une autre production, même suivant les mêmes protocoles, l'efficacité soit moindre par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, ça, c'est mon intuition actuelle. Est-ce que dans ce cas-ci, l'intelligence artificielle ne pourrait pas venir à notre secours en essayant de... D'uniformiser faciliter. Un peu la production. Exactement, exactement. Et aussi, éventuellement, une fois qu'on a un anticorps, donc c'est une protéine, qu'on a la séquence, etc., etc., est-ce qu'on peut lui apporter des modifications de façon à ce qu'elle soit plus stable, plus fiable dans le temps. Et ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est-à-dire peut-être en changeant juste un atome, la position d'un atome sur la chaîne quotidique. Exactement. Quotidique, ou bien là, on parlera peut-être d'acide aminé ou quelque chose comme ça. Mais, et c'est sûr que c'est peut-être demander un défi supplémentaire à l'intelligence artificielle actuelle, parce que d'après ce que j'ai vu, l'intérêt actuel est sur des petites molécules. Donc, vraiment, on parlait au niveau d'atomes, etc. Mmh. etc. Mmh. Ici, ça serait sur des protéines, donc des molécules beaucoup plus complexes, comportant un grand nombre d'atomes, donc une vraie complexité décidément supérieure. Mais je fais confiance qu'avec les progrès qu'on est en train de faire, on arrivera sûrement à un succès aussi dans ces domaines. Mais pareil, hein, comme Janelle Sauvageon, on va suivre l'évolution de vos travaux avec intérêt et avec curiosité. Merci. Je me retourne vers Simon Sauvé. Alors, vous ne travaillez pas proprement parler sur le développement de nouvelles molécules, mais sur de nouvelles techniques de chimie analytique, notamment dans le domaine de la vaccination antigrippale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre domaine de recherche? Oui, mon domaine de recherche consiste à développer des méthodes qui vont être utilisées pour s'assurer de la qualité puis de la sécurité des médicaments. Plus précisément, mon type d'expertise, c'est sur des méthodes basées sur la séparation. Donc, j'aime beaucoup prendre l'exemple d'une soupe. Pour avoir une bonne soupe, ça prend une bonne balance d'ingrédients avec du sel et dans des proportions correctes avec des ingrédients de qualité. Pour les produits pharmaceutiques, c'est la même chose. Donc, les méthodes qu'on développe sont des outils qui vont être utilisés par les compagnies, entre autres, pour s'assurer que leurs produits sont de bonne qualité. Puis, ultimement aussi, nos méthodes qu'on développe vont pouvoir se retrouver dans des documentations comme la pharmacopée, qui, ni plus ni moins, est une référence sur les approches scientifiques, les protocoles qui doivent être suivis pour s'assurer qu'un produit est de bonne qualité, puis quel standard de qualité, donc des produits de référence qu'on doit se servir pour évaluer ça. Alors concrètement, justement, cette méthode de chimie analytique, comment ça fonctionne? Expliquez-nous un peu. On lève le capot de la voiture et qu'est-ce qu'il y a dans le moteur? oui, c'est une bonne analogie. Non, essentiellement, nous, nos approches de séparation utilisent de la chromatographie ou de l'électrophorèse. Donc, expliquez-nous en quelques mots comment ça marche. Grosso modo, dans le cas du premier, on fait passer le produit dans une matrice pour lesquelles il va avoir une certaine affinité. Mm-hmm. Puis ce qui va distinguer un comme une sorte de tamis en fait. Si on veut, oui. Mm-hmm. Puis dans le cas d'un tamis, ça serait des approches d'exclusion de charge de format. Donc selon la grosseur de la molécule, vous allez avoir un profil différent. Dans le cas nous, ce qu'on fait pour l'affinité, c'est ça, c'est l'affinité de la molécule pour cette matrice là va pouvoir nous permettre de les séparer. Et dans le cas de l'électrophorèse, c'est tout simplement on se sert de la charge chimique de ces protéines-là ou de ces de produits-là pour les séparer. Et pourquoi est-ce que c'était appliqué notamment, j'ai lu dans vos travaux de recherche, au domaine de la vaccination antigrippale? Oui, les vaccins de la grippe doivent être produits à chaque année parce que sont produits en prévision de la souche de virus qui va être en circulation. Donc, pour ce faire, lorsque les compagnies font les vaccins, ils vont préparer des formulations qui vont contenir les antigènes de surface. Ça, c'est les protéines qui sont à la surface de ces virus-là, par lesquelles votre organisme, en tant que personne qui peut être infectée, va reconnaître ces corps-là comme des étrangers. Donc, le vaccin, lui, est composé de ces antigènes-là, sans le risque associé avec, qui permet à votre corps d'avoir une première réponse immunitaire. Donc, nous, où ce qu'on développe des méthodes là-dedans, c'est pour s'assurer que ces produits-là contiennent ces antigènes de surface que l'on veut, qu'ils soient non seulement en quantité décente, qu'on ait tout le monde que l'on veut avoir dans cette formulation, dans cet médicament-là, puis que la formulation fait que la qualité de ces produits-là soit intacte. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est présentement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté des méthodes analytiques qui étaient utilisées pour les vaccins qu'on dit trivalents, donc dans lesquels il y avait trois souches différentes mm-hmm. de matériel antigénique. Et maintenant, pour améliorer le niveau de protection, on fait ce qu'on appelle des vaccins quadrivalents, parce que là, on a quatre souches. Avec les approches HPLC, donc chromatographique, je vous disais plus tôt, la séparation de ces antigènes-là était difficile. Puis là, nous, on a amélioré la méthode, ce qui nous permet de le faire, puis on n'est pas encombré par la présence d'adjuvants mmh. ou des différences de formulation, bref, comment le produit est préparé. Oui, dont on sait que les adjuvants qui créent beaucoup de défiance de la part du public, malgré tout ce qu'on essaie de leur expliquer en leur disant que c'est finalement certainement pas si grave que ça. Merci beaucoup pour cette présentation, Simon Sauvé. On arrive à la fin de cette émission. J'aimerais peut-être, en guise de conclusion, avoir votre opinion, parce que c'est vrai que quand on parle de nouveaux médicaments, quand on parle de recherche fondamentale dans le domaine biomédical, on entend souvent dire, on parlait un peu d'immunologie, par exemple, mais pas uniquement. On entend souvent dire que le médicament de demain est un médicament intelligent, que la médecine est individualisée, que l'on va vers de plus en plus finalement d'un médecin adapté aux patients immédiatement. Et en même temps, on entend beaucoup dire ça et on ne le voit pas beaucoup arriver en tout cas pour le grand public, parce que c'est un peu vrai en oncologie néanmoins aujourd'hui. On arrive de plus en plus à produire ce type de médicament. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que c'est ce vers quoi se dirige aujourd'hui la recherche en chimie pharmaceutique? Umberto Banderali. Certainement, oui. J'ai un exemple, entre autres, de très près, parce que notre équipe est en train de collaborer avec l'hôpital des enfants ici à Ottawa, et justement sur un type d'épilepsie qui affecte les enfants. Et justement, là, ce que nous cherchons, nous essayons de développer, c'est vraiment des traitements personnalisés selon la mutation que l'on observe chez un patient. Chaque patient peut présenter une mutation différente d'un canal ionique, justement. Et à partir de cette mutation, on essaie de la reconstruire au laboratoire et tester donc les potentiels traitements en laboratoire pour éventuellement améliorer et individualiser le type de traitement pour chaque personne. Donc oui, je pense que la médecine personnalisée est un grand développement, fort développement, et, oui, et prometteuse aussi. Janelle Sauvageau, votre opinion à ce point? Moi, je pense que ça va poser de nouveaux défis, en fait, des défis de caractérisation et un peu de contrôle de qualité et de coût aussi. De coût, évidemment, hein, bien sûr. Parce que c'est plus cher que de produire beaucoup en masse. De médicaments. Mais c'est pas mal. Mais vous y croyez quand même un peu ou? Oui, non, j'y crois pour certaines, peut-être pas pour toutes les maladies, mais pour certaines maladies, peut-être que ça va être. Je pense que ça va être vraiment utile, oui. Simon Sauvé? Je joins les commentaires de mes deux collègues. Je suis d'accord avec eux autres. C'est d'un côté très prometteur. Je pense que ça fait partie de l'avenir. C'est une option qui est envisageable. Mais comme Jeannette l'a dit, il faut s'assurer de la qualité puis le, surtout le, la préparation de ces produits. Et de la réduction des coûts, qui est certainement un des enjeux majeurs de cette médecine personnalisée. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'être venus nous présenter vos travaux et parler de cette recherche publique en chimie pharmaceutique. Merci Janelle Sauvageau, merci Umberto Banderali, merci Simon Sauvé. Encore un immense merci aux équipes de l'ACFAS, sans qui rien de ce que nous avons fait au Québec n'aurait été possible. Un merci tout particulier à Alexandre Auger, mais ainsi bien sûr Caline Sauvageau, Hélène Drinville et Stéphanie Quirion. Merci à toute l'équipe du Consulat Général de France à Québec, Madame la Consule Laurence Hagenauer, Mathilde Girard et Florence Béranger. Merci à Conrad Ijazi de Radio-Canada qui a été ici nos moyens techniques tout au long de la semaine. Merci également à Serge Brunet et puis à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Éléonore Pérez et Olivier Bétard qui n'ont pas mégoté sur leurs moyens et qui ont travaillé comme des brutes toute la semaine pour vous fournir cette semaine d'émission ici depuis le Québec. Demain, retour à la maison de la radio. Nous parlerons des zones humides, ces écosystèmes qui ont disparu à près de 90% de la surface de notre planète. Comment sauvegarder les rares zones intactes? Pourquoi ces zones sont-elles si importantes à l'écosystème Terre? Nous en parlons demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.